surprise, j'ai un minuscule, un tout petit. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu as de tout petit, mon ami? Wow, pas de rumeur. Non, je sais pas. Au contraire, c'est un petit poste d'écoute. Qui est toujours un kiosque là, qui est arrivé là. Oup, il est prêt ce matin, donc ouais. Si vous rentrez dans l'université, oup, prenez-en un, il est aussi distribué partout ailleurs. Il sent la cannelle. Au centre-ville. Ouais. Il sent la cannelle. Oui, parce qu'il est frais sorti du four, comme une brioche. Là. Comme une brioche, écoute, c'est pareil. Il y a peut-être du coulis dessus. S'il y a du coulis, je vous suggère peut-être de prendre l'autre en arrière. Okay. Ouais, ouais. Et de vous en servir pour autre chose que ça. Oh. Écoute, tu dégoûtes, François. Je dégoûte. Sans toi, ils sont de campus. Ah, j'en ai déjà un. Ah, je suis assis sur eux. Ah, c'est, ça sert de couche aussi. Moi, ça m'énerve cette machine-là. On devrait faire désinstaller ça. Chaque fois que je dis Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Info. Oui. Ça va. Ça va, toi? Oui, toi. Oui, très bien, merci, toi. Ouais, super, toi, ça va? Ça va, toi? Parfait, ouais, toi, ça va? Pas fatigué, ça va, toi? Ouais, moi, pas super fatigué, moi aussi, toi, ça va? Non. Okay. Prochaine version de l'intro, on fait les effets sonores live. C'est pas pire. bonjour, bienvenue à Assemblage Jockey. November. À l'année prochaine. Ouais, on pourrait faire peut-être un an sur deux, mais non. C'est long, un 12e d'année, je trouve. C'est comme l'équivalent de 4 deux tiers. Oui, aux entretours de 8 heures. Rechante-moi cette chanson-là. Chante. Pas capable. T'as les fêtes, t'arrives, je vais faire un petit rigolo. Ok, c'est bon, j'aime ça, je l'apprécie. T'en connais-tu d'autres couleurs que mauve, rose puis noir? Non. Vert. Non. Vert. Ah, peut-être. Les sapins de Noël. Ah, ouais. OK, go et WTF à Assemblage Requis sur C'est Fou 89.1 FM. What the fun? What the fun? Ah, j'aime ça. C'est comme thank guy, it's Friday. Ouais, peut-être. Thank you, guy. Comme un gars, juste en général. Oh, ouais. Comme une personne. Comme Maxime Lemieux-Ramé, maintenant. T'aimes pas ça quand je dis El Banco Nacional? El Banco. Al Banco, non, ça fait Banco, puis Banco, j'ai jamais été chanceux à ça. La loterie, ouais, ça coûte pas cher, par exemple, ça. Fait que quand tu perds, c'est pas pire. Et encourage pas les gens. C'est quoi, 50 cents? Je sais pas. Tu joues plus? Non. Non, ben moi non plus, je crois pas à ça, ces affaires-là, bon. Nous en restons, on va l'appeler tout de suite Jean-Philippe Payotte. Oh, le président du CA qu'on a pas réussi à rejoindre hier. Ouais, c'est ça, exactement. Président du conseil d'administration du groupe des médias étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, code postal G8H... Ça sonne parfait, super. T'es en train de dire un code postal? J'essayais de bourrer le nom. Le nom est tellement long que... J'étais occupé au téléphone, donc... C'est quoi, c'est le groupe des médias étudiants de... Ben voyons donc, es-tu en train de dire le code postal? Je le connais pas, le code postal. On va avoir l'occasion d'en reparler de toute façon. Ben oui, là, c'est oui, sûr. Je le souhaite, je vais m'ennuyer de vous dans le temps des fêtes. Là, que je viens de voir les cadeaux que vous avez reçus après les fêtes. C'est vrai, du petit lait de poule. Oh oui, studio, ça serait bon, ça. Des fois, c'est trop sucré, par exemple. C'est le problème du lait de poule, moi. Tu vois ça, puis c'est comme une gorgée, c'est assez. Oui, effectivement. Ouais. Hey, un double menton. Double menton, double dose. Qu'est-ce qu'on peut doubler? Notre plaisir. Oui, tout à fait. Ouais. Deux bâtons de gomme. Des fois, je le fais. Ouais. Ça dépend c'est quoi la gomme. Des fois, c'est très fort. Des fois, la cannelle, c'est comme trop intense. Ouais. C'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Non. Non, pas demain. C'est vrai. Lundi. Quand même, je voulais faire l'émission demain. Mais rentrez pareil. On va voir.